trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, arts et métiers directs par le Valois. J'en ai marre, j'en ai ma claque de ce cloaque. Je voudrais jouer la fille de l'air, laisser ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr, où je pourrai m'évader dans la nature. Je partirai sur la grande route, coûte que coûte. Et si pour moi il n'est plus temps, je partirai les pieds devant. Je fais des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Y a de quoi devenir dingue, de quoi prendre un flingue. Se faire un petit trou, un dernier petit trou. Un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou. Et on mettra dans un grand trou. Et j'entendrai plus parler de trous, plus jamais de trous. De petits trous, de petits trous, de petits trous. Il portait un feutre topé, il parlait par onomatopée. Il buvait des cafés frappés avec des pâtes. Il était très dégingandé, il fumait des camels parfumés. Il marchait à pas combinés, boulevard Raspail. Il suivait des inconnus chaque soir le long des rues pour leur dire l'air ingénu. Il portait un feutre topé, il parlait par onomatopée. Il buvait des cafés frappés avec des pailles. Il était très imprudent car il risquait de se faire écraser tout le temps. Il fuyait en s'excusant tandis que les gens disaient en s'éloignant. Oh, il portait un feutre topé, il parlait par un onomatopée. Il buvait des cafés frappés avec des pâtes. Il était très dégingandé, il fumait des camels parfumés. Il marchait à pas combinés, boulevard Raspail. Il suivait une inconnue, lui parlait d'un air ému. En voici ce que j'ai retenu. Elle était très intéressée, se laissa très très vite invitée à prendre un bon café frappé avec des pailles. Elle lui plaisait fortement, quand elle parlait il n'osait plus faire un mouvement. Elle riait de son étonnement, mais se laissa courtiser car justement, eh bien mais, elle aimait son feutre topé, son parler par onomatopée et aussi les cafés frappés avec des pailles. Elle était blonde platinée, elle était fortement parfumée et prenait un air détaché, oh, un air canaille. Quand il lui disait chérie, vous êtes la femme de ma vie, même, même il ajoutait ces mots gentils. Plus tard ils se sont mariés, se la fit un ménage cinglé qui se balade à pas combiné, boulevard Raspail. Il faut les voir dans un café, sur le comptoir, buvant frappé. Des cafés, des cafés frappés avec des pâtes. Tant que t'auras ma belle de chouettes avantages, t'auras des amants, t'auras du succès, t'auras des vacances sur les beaux rivages et des bikinis à tout faire craquer. T'auras des visons, t'auras des bagnoles, des types bien sapés te feront du besme. Tu feras des sourires, tu joueras ton rôle, mais tu ne seras jamais qu'une petite putain. Putain des trottoirs, putain des palaces, pour les mecs dans le fond c'est le même tabac. On lui paye son prix, on s'en débarrasse. Faut qu'elle fasse l'amour et pas d'embarras. D'ailleurs un beau jour, ma patte petite môme, faudra que tu te décides à passer la main. Alors en chialant tu te diras que ma pomme, elle avait du bon en tant qu'écrivain. C'est tout ce que t'auras, mes vers à la gomme, ma littérature dont tu t'es foutu. C'est tout ce que t'auras pour te rappeler les hommes, tes anciens mordus qui te regardent en plus. C'est le seul miroir où tu ne seras pas moche, il est garanti pour l'éternité. Le vieux père Ronsard n'était pas une cloche quand il disait ça.

ka sete kureru barano yume anata no tame no watashi watashi no tame no anata to ai no chikai ni urueru no wa kono mune. N'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie surtout pas que la chance passe vite. N'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie surtout pas qu'un beau jour tu paieras. Tous les gars qui ont cru comme moi en ton bel amour n'ont pas tous pardonné, ne crois pas, tu le verras un jour. N'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie surtout pas que la roue tourne vite. Des belles filles comme toi se mordent les doigts plus vite qu'on ne le croit. Tu sais bien que ça ne rapporte rien de chercher dans la vie. À jouer, à tromper, que crois-tu gagner? Tout cela doit se payer. Car tu rencontreras une fois, je te le souhaite, un gars que tu aimeras malgré toi, ce sera ta fête. Tu verras ce jour-là, la vie se vengera en déchirant ton rêve. Tu pleuras, tu crieras, tu sangloteras et personne t'écoutera. Cette fois, oui, tu comprendras, lorsque tu seras seul, que les beaux jours passés que tu as gâchés se sont envolés. N'attends pas ce jour-là, non, crois-moi, la vie t'appelle. Tu tiens entre tes doigts tant de joie et la route est si belle. N'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie surtout pas que le bonheur t'invite. Il suffit de tendre les bras. N'oublie pas, n'oublie pas. Bleu dans le bleu du ciel, bleu, bleu, bleu dans le bleu du ciel. Quel rêve étrange je fais chaque nuit, ma chérie. Par la fenêtre, le ciel vient flâner sur mon lit. Puis il m'habille de bleu des pieds jusqu'à la tête. Et je me mets à voler tout comme une alouette. Je vole, oh, oh, je chante, oh, oh, oh, pareil au bleu du ciel bleu, je trouve cela merveilleux. Et je vole, je vole, je vole plus loin que la mer, à deux pas du soleil. Je découvre là-haut dans les airs un bonheur sans pareil. Et du ciel une douce musique me chante à l'oreille. Je vole. Mon cœur est heureux. Bleu, bleu, bleu, bleu du ciel bleu. Dans le bleu, bleu, bleu du ciel bleu.

flot de boue jaillit sous l'acier qui gémit. Des hommes jouent avec un désert endormi. L'eau de la terre a coulé sur le sable doux et le mystère de leur noir sommeil en dessous. Sur une dune, un village s'est accroché. Morceau de lune avec un lyrique pour clocher. Un harmonica fait glisser un refrain mouillé sur le Sahara. Ce géant qui va s'éveiller, un flot de rêve coule dans les yeux des marchands, un flot de sève fait naître des bois et des champs. D'un vert splendide où les mets arrivent en courir, l'Atlantide, un soir de fable va cueillir. La rose des sables qui va refleurir. Père avait 14 enfants, et si je te nippe chez Dior maintenant, aucun rapport évidemment. Ta vertu s'est mal défendue, jamais personne n'en a rien su, mais quand je l'ai su, il n'y en avait plus. La vie moderne, t'avais un nez comme Cyrano, un grand abattin rigolo, un vrai radar à gigolo. Depuis qu'on me l'a récupéré dans une clinique à bon marché, je peux même plus renifler les michets. La vie moderne, vie moderne. Avec des ronds de fécondants, la biologie fait des enfants qui rentrent tout seuls chez leur maman. Dans les labos, il y a des cornues, et dans la rue, il n'y a plus de cocu. La poule fait l'œuf, mais ne chante plus. La vie moderne, vie moderne. Les journaux, c'est comme les pansements, faut en changer de temps en temps, sinon ça vous froisse les idées. Et puis d'abord, faut pas d'idées, car les idées, ça fait penser, et les pensées, ça fait gueuler. Et la vie moderne, vie moderne. Et montez la vie moderne, et montez la vie moderne, et montez la vie moderne, vie moderne. Y'a un monsieur qui vient chez toi, chaque fois qu'il rentre c'est du pied droit, le gauche c'est pour les bonnes manières. Il lit sa gant tout y quanti, quant à Balzac il se demande si c'est un gazier ou un hôtel. la vie moderne. Vie moderne. Balzac, Balzac, attendez. Ça me dit quelque chose, Balzac. Il y a des gens qui font exotique, qui pour bouffer à l'as de pique s'en iraient même jusqu'à Pékin. Moi sans visa ni prospectus, avec un carnet d'autobus, je vois des tas de gens et je vais pas loin. La vie moderne, vie moderne. Pardon monsieur, pour Pékin. Pour Pékin, vous descendez à la Nation, puis là-bas vous prenez à droite ou à gauche. Enfin, vous demanderez, hein. Au revoir. Les magasins sont débordés, on y vend des diamants papier, de ceux qu'on peut pas vous faucher. Des mouchoirs qui ne servent qu'une seule fois, comme ça au moins on sait à quoi ça sert d'avoir 10 doigts. La vie moderne, vie moderne. C'est comme les machines à laver, ça vous lessive tout un quartier, et puis ça se passe incognito. C'est pas comme celle du Portugal, si elle lavait y'aurait pas de mal, mais elle repasse à la radio. La vie moderne, vie moderne. La gloire c'est comme le sex à pile, faut du rimmel pour pas qu'elle file ou qu'elle finisse dans un potin. Faut la traiter comme une copine, ici, ailleurs ou chez Maxime, et puis l'asseoir sur le bottin. La vie moderne, vie moderne. Y'a la nature qui est en folie, dans les sillons ça fait du bruit, c'est la Marseillaise du printemps. Les feuilles des arbres se font jolies, y'a de la chlorophylle dans leur lit, pour qu'on se rince l'œil et puis les dents. La vie moderne, vie moderne. Souriez, mais souriez. Dans les usines, y'a plus personne, ça fait plus net quand midi sonne, et que Miss Robot danse la polka. Y'a des boulons électroniques qui se visent tout seuls, c'est fantastique, et qui vont pas au syndicat. Ah, dis donc, mais c'est intéressant ça. La vie moderne, vie moderne, vie moderne. Grand-mère avait les cheveux longs, grand-papa lui roulait le chignon, en recoulant comme un pigeon. Oh. Ton julatoir roule ses mégots, en se disant quel est le saligot, qu'a brouté le blé que t'avais dans le dos. La vie moderne, vie moderne. À New York, il y a des maisons qui chatouillent les pieds du patron, qui chaussent du 45 hectares. À Paris, il y a des sous-sols où l'on cause avec des bémols qui grattent le ciel comme une guitare. La vie moderne, vie moderne, vie moderne. Je me rencroque-mitoufle au fond des pantoufles quand tu n'es pas là.

de la rue de Madrid, rencontrer l'autre hiver une fleur sur les lèvres. Je ne t'ai pas dit que les guitares de Paris pouvaient apprendre ta chanson. Toi, mon ami l'Espagnol, de la rue de Madrid, rencontrer l'autre hiver une fleur sur les lèvres. Et puis tu es parti dans les rues de Paris et tu ne m'as rien dit. La servante du château. Patience. C'est moi la servante du château. Je remplis les vases et je vide les cieux. Je manie le balai et puis le torchon. Je fais la pâtée pour les cochons et puis la soupe pour les patrons. J'ai pas deux pieds dans le même sabot. J'ai de la vaillance plus qu'il n'en faut. Ici, qui c'est qui fait le boulot? C'est moi. La baronne, c'est une mijaurée qui est pas capable de surveiller. C'est moi qui dirige la maison. Je compte les bouteilles et les chapons et puis les liquettes du baron. Faut avoir, comme dit monsieur le maire, un œil au bal, l'autre au cimetière. Qui c'est qui sue même en hiver? C'est moi. Faudrait pas croire que je sois un ladron. Les gars me courent au cotillon. S'ils ne gardent pas les mains dans leur poche, moi je te leur refile une taloche. Même le baron quand il s'approche, je le chasse à grands coups de plumeau. J'ai de la vertu plus qu'il n'en faut. Qui sera la rosière du hameau? C'est moi. Quand mademoiselle dans le potager fait la causette à son fiancé, aussitôt je quitte mon torchon pour surveiller un peu ce qu'ils font. Je sais qu'il a de bonnes façons, mais comme disait monsieur notre curé, chauffe un marron, ça le fait péter. Qui c'est qu'a de la moralité? C'est moi. Aux noces, j'ai dit à mademoiselle, fleur d'oranger, crains pas la grêle. L'évêque est venu bénir la fête, mais comme le bedeau était pompette, c'est moi qui ai porté les burettes. Le soir, quand les époux sortiraient, j'avais de la peine à les quitter. Qui c'est-il qui les a bordés? C'est moi. Pour me consoler, j'étais trinqué avec Nicolas, le riche meunier. On a dansé sous les lampions. Le v'là qui tripote mon jupon pour voir si c'est pas du coton. Moi, je le laisse faire, je pense au moulin. C'est quand il gèle qu'on cueille les coins. Qui corra l'homme et qui corra le grain? C'est moi. Je serai pas rosière, mais je serai patronne et je me mettrai un chapeau pour faire visite à la baronne. Changement d'herbage, je réjouis les veaux. Qui sera l'invité du château? C'est moi. Elle n'aime pas beaucoup la solitude. Cependant que je pêche et que je m'ennoblis, ma femme sacrifie à sa vieille habitude de faire à tout venant les honneurs de mon lit. De faire à tout venant les honneurs de mon lit. Et oui, je suis cocu, j'ai du cerf sur la tête. On fait force de trou dans ma lune de miel. Ma bien-aimée ne m'invite plus à la fête quand elle va faire un tour jusqu'au septième ciel. Quand elle va faire un tour jusqu'au septième ciel. Oh, péril de mon cœur, la malheureuse écorne le pacte conjugal et me le déprécie. Que je ne sache plus où donner de la corne semble bien être le cadet de ses soucis. Semble bien être le cadet de ses soucis. Les galants de tout poil viennent boire en mon verre. Je suis la providence des écornifleurs. On cueille dans mon dos la tendre prime verte qui tenait le dessus de mon panier de fleurs. Qui tenait le dessus de mon panier de fleurs. En revenant fourbu de la pêche à la ligne, je les surprends tout nus dans leur débordement. Conseille-leur le port de la feuille de vigne, ils s'y refuseront avec entêtement. Ils s'y refuseront avec entêtement. Souillez mon lit nuptial, est-ce que ça les empêche de garder les dehors de la civilité? Qu'on me demande au moins si j'ai fait bonne pêche, qu'on daigne s'enquérir enfin de ma santé. Qu'on daigne s'enquérir enfin de ma santé. De grâce un minimum d'attention délicate pour ce pauvre mari qu'on couvre de safran. Le cocu d'ordinaire, on le choie, on le gâte, on est en fin de compte un peu de ses parents. On est en fin de compte un peu de ses parents. À l'heure du repas, mes rivaux détestables ont encore ce toupet de lorgner ma portion. Ça leur ferait pas peur de s'asseoir à ma table, cocu tant qu'on voudra, mais pas amphitryon. Cocu tant qu'on voudra, mais pas amphitryon. Partager sa moitié, est-ce que cela comporte que l'on partage aussi la chair et la boisson? Je suis presque obligé de les mettre à la porte, et bien content s'ils n'emportent pas mes poissons. Et bien content s'ils n'emportent pas mes poissons. Bien content qu'en partant, ces mufles ne s'égarent pas à mettre le comble à leur ignominie. En sifflotant, il est cocu de chef de gare, parce que le chef de gare, c'est mon meilleur ami. Parce que le chef de gare, c'est mon meilleur ami. Quand t'auras 12 belles dans la peau, de duchesse et didactylo, qu'est-ce que t'auras de plus sinon qu'un peu de plomb? Un peu de plomb dans l'aile, pas plus dans la cervelle. Quand t'auras claqué ton grisby dans toutes les boîtes à coups de fusil, tu ne seras jamais qu'un pigeon avec un peu de plomb. Un peu de plomb dans l'aile, pas plus dans la cervelle. Quand dans le feu de la passion, aux échelles des banilons, tu grimperas, après, qu'est-ce que t'auras? T'auras du plomb dans l'aile, pas plus dans la cervelle. Quand t'auras aimé à tout vent, et que tes poules n'auront plus de dents, pour te bouffer le cœur dans la main, eh ben, mon gros malin, t'auras du plomb dans l'aile, pas plus dans la cervelle. Et quand t'auras passé ta vie derrière les barreaux de ton lit, tu diras que tu t'en es payé, et oui, et puis après, t'auras du plomb dans l'aile, pas plus dans la cervelle. Mais peut-être bien que tu ne feras pas de vieux os avec tes 12 belles dans la peau. Tu tomberas un jour sur un gars qui t'enverra du plomb dans la cervelle et il te poussera des ailes. Moi je suis du temps du tango, même les durs étaient dingos de cette fleur du guinche exotique. Ils y paumaient leur énergie, car abuser de la nostalgie, c'est comme l'opium, ça intoxique. Costume clair et chemise blanche dans le sous-sol du Mikado, j'en ai passé de beaux dimanches. Des belles venaient en avalanche et vous offraient comme un cadeau. Rondeur du sein et de la hanche, feu pour qu'on leur fasse danser le tango. Ces mômes-là, faut pas vous tromper, c'était de la belle petite poupée, mais pas des filles ni des mondaines. Mesdames, quand on a travaillé 6 jours entiers, on peut se payer d'un cœur léger une fin de semaine. Si par hasard et sans manière le coup de béguin venait bientôt, elle se donnait, c'était sincère. À ce que les femmes ont pu me plaire, et ce que j'ai plu, j'étais si beau. Faudrait pouvoir faire marche arrière comme on le fait pour danser le tango. Des tangos, y en avait des tas, mais moi je préférais Violetta. C'est si joli quand on le chante, surtout quand la boule de cristal balance aux quatre coins du bal tout un manège d'étoiles filantes. Alors c'était plus Valentine, c'était plus Loulou, ni Margot, dont je serrais la taille fine. C'était la reine de l'Argentine, et moi j'étais son Hidalgo. Oeil de velours et main câline, à ce que j'aimais danser le tango. Mais doucement passent les jours, adieu la jeunesse et l'amour, les petites mômes et les je t'aime. On laisse la place et c'est normal, chacun son tour d'aller au bal, faut pas que ça soit toujours au même. Le cœur, ça se dit corazón en espagnol, dans les tangos. Et dans mon cœur, ce mot résonne, et sur le bout. En automne, en passant près du Mikado, je ne m'arrête plus, mais je fredonne. C'était battre le temps du tango. Rien que des grues qui font le pied de grue sur les docks ou les quais. Si t'as pas ton ticket, t'as plus qu'à te foutre un tringle. Pour redanser la java des buffets à l'endroit, à l'envers, à Londres ou bien en vert, pas besoin d'être bilingue. Mais y'a qu'une manière de poser, ma chère, la monnaie. Eh oui, la monnaie. Vieux mouton d'Australie, beau matelas de Paris, file ta laine. À Marseille à midi, un cargo m'a souri pour la semaine. Il s'en va à Java. Dans les bars de Java, les bars de Zanzibar ou ceux de la rue chez moi, y a de la Java qui mousse. Dans les yeux des inconnus qui tanguent dans la rue, il y a des filles nues qui se regardent en douce. Mais y a qu'une manière de passer, ma chère, la monnaie. Eh oui, la monnaie. Les chinotocs, les ricains, les frisés, les rouquins, allez, file ta thune. À Marseille, sur le quai, y a une fille qui s'ouvrait sous la lune. Voilà, c'est comme ça la Java. Rien que des faunes qui font les manchots dans les boîtes ou sans boîte, en pilule ou en ouate, les anchois de la musique. Et c'est faux, non vrais ou faux, ça va jusqu'au moment où ça ne va plus, car il faut de ça pour faire la mécanique. Et puis la manière de glisser, ma chère, la monnaie. Eh oui, la monnaie. Vieille rengaine, fille de paille, qui se prennent par la taille et s'inversent. À Paris, y a Mimi qui a remis son pinson dans le commerce. Pour jouer la Java. La Java. La Java. Oh, il est fort.